Allô, pourquoi ? Bah, c'est Chigami. Je t'appelais pour savoir si ça te disait de couiner ce soir. Que moi, je suis en mode couinage. Si tu veux couiner, tu me rappelles, parce que bon, là, je suis à Vannes bon, pour m'amuser, hein. Et après, on pourrait couiner, quoi. Hein. Bon, bah, rappelle-moi, j'ai de la pêche, de la bonne. La couille. Allez, à bientôt.